Le porte-parole de la représentation de l'armée populaire de Corée à Panmunjom a lancé le 14 juillet une communication à propos des menées des impérialistes américains qui tentent plus ouvertement l'occupation perpétuelle de la Corée du Sud tout en recourant frénétiquement à la provocation de guerre nucléaire contre la République populaire démocratique de Corée. En voici le résumé. Le 11 juillet, le commandement du 8e corps d'armée américaine a quitté la base Ryongsan à Séoul, où il demeurait pendant 64 ans, pour la base Humpri à Pyeongtaek de la province du Gyeonggi. Ensuite, il y a eu une cérémonie inaugurale du nouvel édifice, où étaient invités les gros bonnets du gouvernement et de l'armée sud-coréen, les vieux conservateurs de l'extrême droite et autres. Le 8e corps d'armée américaine en Corée du Sud est une troupe d'assaut et avant-garde de guerre d'agression contre le Nord. La propagande du déplacement de son commandement à Pyeongtaek et le dévoilement ouvert de la tentative de l'occupation perpétuelle en Corée du Sud et de l'ambition de confrontation à tout prix avec la Corée socialiste de pair avec les bellicistes sud-coréens. D'autre part, l'administration Trump force les autorités sud-coréennes à accroître la cotisation de maintien de ses troupiers en Corée du Sud en parlant du soi-disant voyage gratuit pour la sécurité. Cela vise à renforcer les bases militaires américaines en Corée du Sud pour ainsi déclencher une guerre d'agression contre le Nord. Considérer la péninsule coréenne comme point stratégique important où croisent les forces maritimes et continentales, occuper tout notre territoire en stationnant perpétuellement en Corée du Sud et réaliser l'ambition d'hégémonie mondiale, voilà l'objectif de la politique des États-Unis vis-à-vis de l'Asie. La tragédie des États-Unis, c'est qu'ils ne savent pas correctement la puissance inépuisable de notre armée. Bien que les bases des troupiers américains en Corée du Sud, première cible de notre armée, soient à Pyeongtaek ou à Busan, elles n'éviteront jamais les frappes mortelles des canons à longue portée de l'armée populaire de Corée. Si les bellicistes américains s'attachent toujours en Corée du Sud à la confrontation militaire insensée en dépit de nos avertissements, ils ne pourront jamais éviter la ruine misérable.